Chapitre 25e. Monsieur Delves, à bout de science. Semeline se rétablissait. Monsieur Ashley, avec sa délicatesse accoutumée, résolut de l'envoyer passer quelques mois à l'étranger dans les voisinages d'Annonay, sous prétexte de surveiller les marchés et d'acheter les pots qui pourraient leur être utiles. Anna et Patience devaient l'accompagner. Anna avait repris pied dans le pignon de Helstonleigh, grâce surtout à la défense de Herbert. Celui-ci, à son retour de Londres, où il est allé passer 15 jours après le jugement, s'aperçut de l'ovation charitable que l'on décernait à Anna. Il écouta avec indignation tout ce que l'on disait contre elle, se fâcha violemment, en déclarant qu'on pouvait le traiter comme on le voulait, mais qu'on n'avait rien à dire d'Anna. Peu à peu, les amateurs de scandale se prirent à penser que, peut-être, ils avaient été trop loin dans leurs suppositions. La ville eut bientôt d'ailleurs un autre sujet de commérage, celui du voyage de Samuel Lynn. Quelles affaires considérables Ashley doit faire pour supporter de pareilles dépenses, murmurent avec envie les autres fabricants. Oui, il faisait de brillantes affaires, mais n'en eût-il pas fait de telles qu'il aurait également envoyé Samuel Lynn sur le continent. Le voyage fut donc décidé, Anna mit l'eau à sa maison et promit de s'établir pendant l'absence des propriétaires. Mais, avant le départ de M. Lynn et de sa famille, Helstonleigh subit une autre perte, en la personne de Herbert Dare. Herbert réussit à obtenir à l'étranger une position et à s'exiler ainsi de sa ville natale. Un de ses amis qui habitait la Hollande, et avec lequel il était en correspondance active, lui écrivit pour lui offrir une place de commis dans une maison de commerce de Rotterdam. Il devait avoir de bons appointements et de l'avancement s'il remplissait bien son devoir. Cette offre vint à la suite d'une lettre écrite par Herbert à cet ami, et dans laquelle Herbert lui faisait sentir qu'une absence d'un ou deux ans serait bien vue par sa famille. Herbert écrivit aussitôt pour retenir la place, puis lit à son père ce qu'il avait fait. « Allez dans une maison de Rotterdam, en qualité de commis !» s'écria M. Dern en croyant pas ses oreilles. « Mon fils, commis !»« Que faut-il que je fasse ?» demanda Herbert. « Depuis que je suis sorti de là, » dit-il en tournant son doigt dans la direction de la prison, « les notes pleuvent sur moi. Je dois beaucoup. C'est un fait, soit pour moi, soit pour ce pauvre Anthony. Les gens ne veulent pas attendre plus longtemps, et j'ai nulle envie d'essayer de la prison pour dette. » Ils étaient debout dans la première pièce du bureau. Les affaires paraissaient s'être ralenties, et les clercs avaient bien souvent des heures de liberté. Des deux, l'un avait congé, l'autre était absent. Soit pour une cause, soit pour une autre, il semblait qu'on eût peur des Dare. M. Dare s'appuya sur l'embrasure de la fenêtre, les mains dans les poches, l'air ennuyé. « Vous dites que vous ne pouvez m'aider, mon père, » reprit Herbert. « Tu sais bien que je ne le puis pas. Je suis trop surchargé moi-même de demandes. Son jeu dépend de jugement. J'étais pourtant bien assez embarrassé auparavant. Je ne puis pas t'aider. Il me semble aussi que vous seriez bien aise de vous débarrasser de moi. Je n'ai pas dit cela, » fit sèchement M. Dare. « Vous m'avez dit l'autre jour que c'était ma présence dans le bureau, qui en éloignait les clients. » M. Dare ne pouvait nier le fait. Il l'avait dit. Qui plus est, il l'avait pensé et le pensait encore. « Je ne devine pas ce qui pourrait autrement empêcher les clients d'approcher, » répliqua-t-il. « Nous n'en avons pas une douzaine depuis le jugement. »« C'est la morte saison de l'année. C'est possible. Morte saison ou non, on fait pourtant quelques affaires. Mais les gens vont ailleurs. Ceux-mêmes qui, depuis bien des années, nous avaient toujours été fidèles. La vérité, Herbert, c'est que depuis cette triste affaire, tu es en mauvaise odeur dans la ville. Et tu dois bien le savoir. Quoique acquitté, tu es encore accusé d'une foule de choses. De l'attaque de paralysie du Quaker Lynn, entre autres. Misérable menteur, » s'écria Herbert. Et je suppose que c'est ce qui tourne les gens contre nous, » continua M. Dare. « Nos clients ne reviendront pas tant que tu y seras. » C'est précisément ce que vous m'avez fait comprendre. C'est pourquoi je crois faire mieux de m'en aller, » fit Herbert. « Puisque Pattison peut me procurer cette place, j'irai en essayer. » Le poste de commis ne te conviendra pas, » dit M. Dare avec emphase. Il me plaira davantage que d'être cloué ici par les dettes, » répliqua brusquement Herbert. « La maison n'est pas si agréable maintenant, ni le bureau non plus, pour que je tienne tant à y rester. Vous avez changé, mon père, comme les autres. Il se passe souvent bien des jours sans que vous me disiez une seule parole affectueuse. » M. Dare sentit encore que Herbert disait vrai. Lorsqu'il avait vu que Herbert aurait pu, dès l'abord, se disculper, il en avait amèrement voulu de son silence. Madame Dare et tous les autres partageait cette rancune et Herbert en souffrait. « Tu as très mal agi en laissant l'affaire aller devant le tribunal, Herbert, » lui disait-on. « Si l'accusation t'était indifférente, tu n'avais du moins pas le droit de faire tomber ta famille dans le discrédit. »« Si c'était à recommencer, je ne le ferais plus, » avoua Herbert. « Je croyais agir pour le mieux. »« Bon !» exclama dédaigneusement M. Dare. « En tout cas, » continua Herbert, « je ferais mieux de m'en aller. Au bout de quelque temps, les choses s'adouciront, ou bien je trouverai une meilleure position à l'étranger. »« Très bien, » fit M. Dare après un moment de silence. « Ce sera peut-être pour le mieux. » Ces événements s'oublieront par ici. Si tu ne trouves pas ce qui te convient, tu pourras revenir plus tard. Je ne reviendrai que si je puis payer quelques-unes de mes dettes. Vous m'aiderez à m'en aller, mon père? Combien te faut-il? 1200 francs. Je ne puis te les fournir, répondit immédiatement M. Dare. Il faut pourtant que je les aie, dit Herbert avec fermeté. Je voudrais régler 2 ou 3 bagatelles avant de partir, et je ne puis pas m'en aller les poches complètement vides. 1200 francs, ce n'est pas une si forte somme pour vous débarrasser de moi, mon père. » Le vieil Antinéder se gratta le front d'un air perplexe. Il prévoyait bien qu'il serait obligé de fournir cette somme, mais il ne devinait pas par quel moyen. L'affaire arrangée, Herbert prit son chapeau et partit. La première personne qui s'offrit à ses yeux fut le sergent Delves. Ce digne homme, en traversant la ville, s'était arrêté en face de chez M. Dare et regardait le bureau plongé dans ses réflexions. Il songeait à l'assassinat d'Anthony et n'avait pas perdu de vue Mademoiselle Caroline Mason, ainsi qu'il se l'était promis. Mais le résultat ne lui avait rien appris. Sans avertir la police, sans que Caroline elle-même se doutât qu'on la soupçonnait, il réussit à se rendre compte de ses moindres actes durant cette nuit-là et en vint à la conclusion qu'il n'avait pas joué le moindre rôle dans l'affaire. Herbert alla droit à lui. « Que regardez-vous donc, Delves ?»« Je ne regardais rien de particulier, » répondit le sergent. « En arrivant devant votre bureau, j'ai tout naturellement pensé à cette malheureuse affaire. Je n'ai jamais été trompé de la sorte. »« C'est en effet extraordinaire que le coupable n'ait pas été découvert. J'y pense souvent, » dit Herbert. « Je n'ai jamais été trompé de la sorte, » répéta le sergent, comme s'il n'avait pas été interrompu. « J'aurais juré que l'assassin était dans la maison. » Qu'il n'en était pas sorti, et cependant. Vous auriez juré que c'était moi, interrompit Herbert. C'est vrai, mais c'est bien votre faute, monsieur Herbert. Pourquoi avoir fait tant de mystère de vos actions de la nuit? Une fois que vous avez été acquitté, j'ai soupçonné cette fille, mais j'ai bien fini par voir que je me trompais. Quelle fille? Celle de Hennefer, que votre frère Anthony courtisait autrefois. Mais ce n'est pas elle, j'en ai eu la preuve. Charlotte Robinson l'avait gardée chez elle jusqu'à minuit. Charlotte veut essayer d'en faire de nouveau quelque chose. Après cela, elle est retournée dans son galta. Maintenant, j'avoue que je m'y perds. C'est absurde de soupçonner une femme, dit Herbert. Aucune n'aurait la force ou le courage d'accomplir un pareil acte. Oh, vous ne les connaissez pas comme nous autres, dit le sergent en branlant la tête. Je demandais l'autre jour à votre père s'il était parfaitement sûr de vos domestiques. De nos domestiques? Interrompit Herbert avec surprise. Quelle idée! J'en suis revenu à ce que je pensais au commencement, que c'est quelqu'un de la maison, reprit le sergent, mais il paraît que les domestiques sont irréprochables. Aussi, je n'y comprends plus rien. Pourquoi donc voulez-vous absolument que ce soit quelqu'un de la maison? Parce que nous autres, nous voyons et notons ce qui échappe aux autres. Il y a ici une foule de circonstances qui me l'ont fait croire. Il est parfaitement impossible que ce soit quelqu'un de la maison. Qui croyez-vous que ce soit, vous? Demanda brusquement le sergent, comme s'il voulait prendre Herbert en défaut. Mais Herbert n'avait rien à lui apprendre. « Si je pouvais le deviner, j'irais tout de suite vous le dire, » affirma-t-il. « Je suis tout aussi embarrassé que vous. Anthony avait pu se faire des ennemis dans la ville, mais aucun n'eût été capable de l'assassiner. Je donnerais mon bras droit, » ajouta-t-il avec émotion, « pour résoudre ce mystère, autant pour moi que pour mon pauvre frère. Tout ce que je sais, c'est que je suis tout à fait à bout de science, » conclut le sergent. Henry Ashley ne se remettait pas. Il était tombé dans un état de profonde prostration. Le chagrin, il est vrai, affaiblissait le peu de force qui lui restait. Mais il ne faisait aucun effort pour se relever. Il demeurait couché des heures entières, les yeux à demi fermés, ne faisant attention à personne. Les hommes de l'art disaient n'avoir rien vu de pareil. Monsieur et Madame Ashley se désolaient. La seule personne qui put lui faire des remontrances, parce que seule elle avait la clé de cette énigme, c'était William Halliburton. Devant lui, Henry se laissait aller à son irritation et lui adressait toutes sortes de paroles piquantes, mais ces phrases ne faisaient que masquer la profonde affection qu'il éprouvait pour son ami. « Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille !» lui disait-il un jour que William l'engageait à se lever. « Je t'ai dit que ma vie s'en était allée avec elle. »« Non, ta vie ne s'en est pas allée avec elle, » répliqua William. « Tu vis tout comme auparavant, et c'est ton devoir d'employé, d'utiliser ta vie, de ne pas la laisser se perdre comme auparavant. » « Tu ne t'inquiètes guère de moi, » fit Henry avec aigreur. « Bien au contraire, » repartit William. « Je suis très fâché de voir que tu te laisses accabler par la douleur au lieu de la surmonter, de voir qu'un homme s'enterre ainsi tout vivant. C'est grand dommage que personne autre que moi ne sache la cause d'une affliction si déraisonnable. « Ah vraiment, tu es un fameux consolateur, toi, à la manière des amis de Job. Oui, je le répète. » Si d'autres que moi savaient la cause de ton chagrin insensé, tu aurais honte de rester couché à te consumer en regret pour une jeune fille légère et imprudente. » Les deux yeux noirs de Henry lancèrent un éclair de colère. « Prends garde à toi. Je puis supporter certaines choses, mais pas toutes. Pour une jeune fille légère et imprudente qui ne s'inquiète pas le moins du monde de toi, » répéta William avec accent, « et qui a placé son affection sur un autre. A-t-on jamais vu un engouement comme le tien ? Prends garde à toi, te dis-je » cria Henry. « De quel droit me parles-tu de la sorte ? Je te parle de la sorte pour ton bien, et je tiens à ce que tu le sentes. Quand la lancée du chirurgien sonde une blessure, le patient peut bien gémir et se cabrer, mais la souffrance sert à sa guérison. » « Magnifique éloquence !» fit Henry d'un ton sarcastique. « C'est grand pitié que tu n'entres pas au barreau. Tu y ferais Florès, et tu enlèverais à Franck la Loire sur laquelle il compte. » « Réponds à une seule question, Henry. Songes-tu encore à Annaline ? « Voudrais-tu en faire ta femme ?» Henry poussa un cri de rage et envoya sa pantoufle à la tête de William. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda William avec calme. « Comment oses-tu me faire une pareille question ? Je t'ai dit qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas supporter. » « Serait-il convenable que celle qui a figuré dans une pareille escapade devint la femme d'un Ashley ? Nous resterions tous les deux sur la terre. Le monde entier serait mort et enterré que je ne l'épouserais pas. Je t'avais bien jugé. » Alors, dans cet état de choses, elle a bonté de me dire à quoi cela t'avance de rester ici couché en pensant à elle. « Je ne pense pas à elle, » répliqua Henry avec impatience. « Tu t'imagines toujours des choses. Tu penses à elle, je le vois bien. Je me mettrais au-dessus de ce sentiment si j'étais toi. Va me ramasser ma pantoufle, William, je te prie. Henry, descendras-tu pendant le thé ce soir ? Non, je ne veux pas. Il t'est facile de me sermonner, mais attendons de voir comment tu agirais. » Si tu étais jamais frappé au vif comme je l'ai été, allons, laisse-moi t'aider. Ne m'ennuie pas, je ne veux pas me lever. Je... » À ce moment, M. Ashley ouvrit la porte. Il venait aussi engager Henry à quitter son sofa et sa chambre et à rejoindre la famille. Henry ne voulut pas céder. « Je viens de dire à William de descendre. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas descendu. Il reste ici que pour m'ennuyer. Allons, William, va t'en prendre le thé. » M. Ashley posa sa main sur le bras de William comme il traversait le corridor et l'arrêta. « Qu'est-ce donc que cette maladie de Henry ? Il y a là-dessous quelques secrets que vous connaissez, j'en suis sûr. Il faut que je sache ce que c'est. » M. Ashley parlait d'un ton décidé. William se taisait. « Dites-moi ce que c'est, William. Je ne puis pas, monsieur. Je ne puis pas sans la permission de Henry, et je ne crois pas qu'il la donne. Si c'était mon secret et non le sien, je vous obéirais tout de suite, monsieur. » Est-ce une souffrance de corps ou d'esprit ? D'esprit. Mais la crise est passée. Ne lui en parlez pas, monsieur, je vous en prie. William, est-ce quelque chose que la fortune puisse guérir ? Rien n'y pourrait porter remède, monsieur. Dit vivement William. Le monde entier viendrait à son secours sans pouvoir le guérir. Le temps et sa raison effectueront seuls la cure. Alors autant vaut ne pas vous demander si je puis l'aider. Vous avez toute sa confiance, William. Oui, et tout ce qu'un autre pourrait faire, je le fais. Nous avons à nous deux une lutte journalière. Je voudrais le faire sortir de son apathie. Oh, si vous pouviez réussir, soupira M. Ashley.